Stephen King aime les prémonitions, Stephen King aime les assassinats politiques, Stephen King a écrit Dead Zone et David Cronenberg l'a adapté. Bonjour à tous et bienvenue au Vidéoclub de Castle Rock, je suis avec Chris, bonjour. Salut. Et nous sommes de nouveau ensemble dans la même pièce. Et oui, ça fait du bien de pouvoir ressortir un petit peu. Ouais, alors ça fait quelques semaines en réalité qu'on peut ressortir, mais effectivement c'est la première fois qu'on réenregistre un podcast en live comme ça. Depuis la fin du confinement. Et ça fait plutôt plaisir de se voir face à face, de remanger du savane, d'avoir du café. Voilà. Les beaux plaisirs de la vie. C'est ça. Mais par contre on ne peut plus enregistrer en pyjama. Tout ne peut pas être. Quand notre relation aura plus avancé, peut-être. Je ramènerai mon pyjama chez toi. Donc aujourd'hui, nous allons parler de Dead Zone, un roman qui est sorti en 1979 en VO, en 1983 en français. Tout d'abord publié d'ailleurs en France sous le titre L'Accident, on le trouve encore sous ce titre-là dans certaines éditions. Et le film de Cronenberg, qui dure 103 minutes, est sorti en 1983. Et je propose qu'on y aille tout de suite. Eh ben allons-y. Et nous allons, comme d'habitude, spoiler le roman et le film, donc la routine habituelle, si vous ne voulez rien savoir, blablabla, vous savez ce qu'il faut faire. C'est parti. Dead Zone, donc, raconte l'histoire de Johnny Smith, un professeur qui, suite à un accident de voiture qui va le laisser 5 ans dans le coma, va devenir capable de prédire l'avenir des gens qu'il touche, avec qui il a un contact physique. Et en parallèle, on suit Greg Stilson, un jeune homme très croyant, très républicain et très psychopathe, dès le début c'est plutôt évident, et clairement, qui va monter petit à petit l'échelle de la politique américaine jusqu'à devenir un favori au présidentiel à venir. Alors ce livre-là, à l'inverse de la majorité de ses ouvrages, King l'a écrit en ayant construit un plan à l'avance. Il y a quelques livres qu'il a fait comme ça, il y a aussi Insomnie et Rose Madder notamment, et de ceux qu'il a programmés comme ça, c'est le seul dont il est vraiment satisfait. Les deux autres, il trouve qu'ils sont un peu trop rigides et il a regretté d'avoir utilisé un plan aussi prévu à l'avance, mais ça lui a pas fait ça sur Dead Zone. Dans Écriture, Mémoire d'un métier, il dit que Johnny a été un personnage assez difficile à écrire, puisqu'il devait le rendre intéressant alors qu'il voulait aussi que ce soit un homme très banal, en dehors de son pouvoir. Et effectivement, il fallait aussi le rendre en plus attachant alors qu'il allait forcément rappeler des choses assez ancrées quand même dans l'imaginaire américain. Forcément, quelqu'un qui tue un président, ça fait très vite penser à Lee Harvey Oswald qui tire sur JFK. Ouais. Et King s'est aussi inspiré d'un autre assassinat politique, celui de Huey Pierce Long, en 1936, dont on a moins entendu parler parce qu'il n'était pas à la présidence, justement, il était candidat. Et ben, il ressemble pas mal à Greg Stilson parce qu'il était sénateur de Louisiane à l'époque et il appliquait une politique dictatoriale, en fait, il n'y a pas trop d'autres moyens de le dire. Il menaçait la presse, il faisait une campagne très populiste, donc il y a vraiment un côté très Greg Stilson. Oui. Et très président américain récent, dont je ne dirais pas le nom. Très mouvement fasciste, hein, tout simplement. Oui, c'est ça. C'est donc un livre qu'il a un peu de mal à écrire, mais dont il restera assez fier. C'est le premier de King qui est publié chez Viking Press suite à son départ de chez Doubleday, qu'on a déjà évoqué lors de notre épisode sur Cimetière, où on avait parlé de tous ces conflits avec cette première maison d'édition. Le premier tirage est de 50 000 exemplaires, donc c'est moins que Le Fléau qui avait été tiré à 70 000 exemplaires, mais dès Charlie, le suivant des romans de King publiés chez Viking, on doublera le tirage avec 100 000 exemplaires. Donc il est quand même en croissance très rapide, globalement, à l'époque. C'est un roman qui va rester 31 semaines dans la liste des best-sellers du New York Times, c'est son meilleur score à l'époque, et 2 semaines à la première place, et c'est la première fois qu'il atteint la première place des best-sellers du New York Times. Ce qu'il fera à peu près systématiquement, après au moins une semaine ou deux. Selon lui, c'est grâce à la publicité qui a été faite autour du roman. Apparemment, Viking Press est une maison d'édition dont il est beaucoup plus content que Doubleday. Il y a peut-être plus les moyens de faire du marketing, de mettre en avant Alors, d'après ce que j'ai compris, c'est pas tant une histoire de moyens qu'une histoire de volonté. De volonté. Enfin, d'après King, en tout cas. Mm. Et ce serait, d'après Publisher Weekly, la sixième meilleure vente de l'année 1979. Il sera sélectionné pour le prix Locus du meilleur roman de fantasy, et il arrivera deuxième derrière un roman qui s'appelle Harpist in the Wind de Patricia McKillip, que je ne connais pas du tout. Moi non plus. Mais le titre est joli. Mm. Comme souvent à l'époque, la critique est assez condescendante avec le roman. Donc c'est-à-dire qu'il y en a beaucoup qui vont pas en parler, tout simplement, déjà. Et ceux qui vont en parler, d'ensemble, les critiques vont dire « Ouais, c'est bien pour ce que c'est, quoi. C'est... Ouais, c'est pas mal pour un dessin d'enfant. » C'est le, oui, c'est le phénomène qui est souvent touché par les œuvres de science-fiction et de fantasy, quoi. À l'époque, en tout cas, oui. Ça, quand même, pour la littérature, ça a quand même pas mal évolué. Faut pas trop abuser. Oui, maintenant, c'est le cinéma, surtout, qui est encore touché un petit peu. Ouais, le cinéma a encore du mal à ce niveau-là. Et par contre, auprès des lecteurs, c'est un roman qui va être très populaire. Bon, il va recevoir des critiques négatives. Apparemment, un des trucs sur lequel King a eu le plus de retours, c'est le fait qu'il y ait un chien qui se fasse tuer dès le début. Visiblement, c'est ce qui a beaucoup choqué. Ce qui n'était pas dans le film, d'ailleurs. Non, ce qui n'est pas dans le film. Quand même, il regarde Tony Nelson. C'est dire... Non, mais ça me fait marrer que sur un roman où il y a quand même beaucoup de trucs horribles, ce qui choque le plus, ce soit... Oui, certes, il est brutal, mais bon, c'est peut-être pas ce qu'il y a de pire dans Dead Zone, quoi. Puis il aura encore des problèmes avec les chiens, avec Cujo, dont on a déjà parlé, en plus. Et King est donc, comme je l'ai dit, très fier de ce livre-là. Il disait encore, des années plus tard, alors c'était vers le début des années 90, que c'était un de ses romans les plus réussis. Depuis, il en place d'autres au-dessus, notamment Histoire de Lissi, mais ça reste un roman qu'il aime beaucoup. Et il est très régulièrement cité dans les listes des 10 meilleurs Stephen King. C'est une sorte de roman culte, quand même, chez lui. Et on l'a régulièrement cité ces dernières années parce qu'on a beaucoup comparé Donald Trump à Greg Stilson. Et King lui-même dit que, ouais, il y a de ça. Voilà. Bah, en même temps, dès que King peut mettre un petit taquet à Trump, il se gêne pas. Ouais, c'est pas faux, c'est un de ses grands passe-temps récents. Voilà. Moi, j'attends avec impatience qu'il fasse un roman autour de ça. C'est amusant de noter que c'est un livre où il y a pas mal de premières, enfin de premières dans l'univers de King. Déjà, c'est la première apparition de Castle Rock, qui a donné le nom au podcast, quand même. Oui. Et c'est aussi le premier roman où, de façon, je pense, totalement involontaire, il commence à développer l'idée de ces multivers qui donnera lieu à la Tour Sombre, parce qu'il y a un personnage de Dead Zone qui, à un moment, compare le pouvoir de Johnny au pouvoir de Carrie, mais en parlant de Carrie comme d'un roman, dedans. Et donc ça, ce sera très repris avec des personnages de King qui sont des personnages de romans dans certains univers et qui existent vraiment dans d'autres. Ce sera quelque chose autour duquel il va beaucoup s'amuser par la suite. Oui, mais du coup, à la lecture, ça sonne plus comme un petit clin d'œil rigolo d'auteur que... Oui, une vraie ça. Intention de créer un univers partagé. Oui, à ce stade-là, c'était clairement pas une intention. Ça en viendra une plus tard, mais à ce stade-là, j'en doute vraiment. Plus tard, dans la Tour Sombre, d'ailleurs, il y aura le phénomène inverse, puisqu'il y a un personnage qui lit Dead Zone, vers la fin, et le shérif Bannerman reviendra dans Cujo et sera mentionné dans Le Corps, la nouvelle qui a donné lieu à Stand By Me. Voilà, et le journaliste, un des journalistes à scandale, Richard Dees, c'est le héros d'une nouvelle qui s'appelle Le Rapace Nocturne et qui a aussi été adapté. D'accord, ça je ne savais pas. Donc on en parlera de ce personnage. Ouais, c'est ça. Après, je crois pas que ce soit le plus gros intérêt de la nouvelle dans mon souvenir et j'ai pas vu le film. Donc si ça se trouve, il n'y a rien de très passionnant à se mettre sous la dent. Autour du roman, c'est tout ce que j'ai à dire, donc nous allons pouvoir passer à nos avis et comme d'habitude, je te laisse la main. Alors, Dead Zone, tu l'as dit... Ça apparaît très souvent dans les top 10 de nombreuses listes de romans de King. Je sais pas si c'est ton cas, mais en tout cas, moi, ça serait clairement mon cas si je devais établir un top 10. Je pense, oui. Je trouve que vraiment, c'est un roman... Alors déjà, tu m'as appris au tout début qu'il avait la structure du roman, il avait vraiment un plan de l'histoire et tout en tête avant de l'écrire. Et je ne savais pas, et au final, ça se voit. Ouais. Ça se voit que c'est pas écrit à l'aveugle et qu'on sait très bien où il veut aller. C'est ultra développé, mais genre tous les personnages sont très bien développés, ils ont tous des arcs scénaristiques intéressants à suivre. Chose que ne fait pas le film, mais plus pour une raison de temps qu'autre chose, mais ça on y reviendra sur le moment. Mais il a réussi déjà à créer un personnage attachant. Ça, si c'était l'un, comme tu l'as dit, si c'était vraiment l'un de ses vœux de base, c'est totalement réussi. Johnny, il est super attachant et c'est vraiment un monsieur tout le monde. Ouais. L'histoire avec avec le fameux Greg, l'homme politique, c'est passionnant aussi. Et aussi toutes les autres petites intrigues qui s'imbriquent là-dedans. Il y a l'histoire du tueur en série à laquelle Johnny aide à la traque. Il y a les moments où son pouvoir se manifeste et où du coup il essaye de donner un coup de main avec cet accident... Que je confonde pas entre le film et le roman, du coup. Avec, dans le roman, c'est un accident de hockey, et dans le film, c'est un incendie. Non, c'est l'inverse. Avec son élève, tu veux dire ? Avec son élève, ouais. Ouais, c'est l'inverse. C'est dans le roman que c'est un incendie dans un gymnase, ah oui. Et c'est dans le film que c'est un accident sur la glace en allant au hockey. Voilà, parce que les élèves n'ont pas exactement le même âge, mais bon, ça aussi, c'est du détail. Mais toutes ces petites intrigues-là, bah, c'est pareil, elles sont passionnantes à suivre. Donc vraiment... King a vraiment fait du très bon boulot au niveau de développement de personnages et surtout développement d'intrigues. Bah, le développement de personnages, on l'a déjà souvent abordé, c'est quand même un point sur lequel il excelle, mais là je trouve que pour Dead Zone, c'est vraiment particulièrement réussi. Oui, et c'est particulièrement réussi, je pense, pour la première fois dans son œuvre, parce qu'avant, en roman, les Bachman étaient assez simples à l'époque, et en roman, il avait écrit Carrie, Salem, Shining et Le Fléau. Et les quatre ont, je trouve, des failles en développement de personnages. Ouais. Et comme tu dis, on sent qu'il l'a prévu, parce que Carrie est très court, donc la fin marche, mais les trois d'après ont des fins plutôt faibles, je trouve. Shining version livre, j'ai jamais été fan de la fin, moi, personnellement. Ouais. Donc là, il a vraiment un truc hyper solide. Pour moi, c'est son premier grand roman. Ouais, on est d'accord. Et effectivement, je suis d'accord avec tout ce que tu dis. Johnny est très attachant, même si, personnellement, pour moi, le personnage que je trouve vraiment... avec qui j'ai vraiment beaucoup d'empathie chez King, c'est plutôt à partir de son suivant, c'est Charlie, dans Charlie. Là, j'aime bien Johnny, mais pas au point d'être totalement ému par tout ce qui lui arrive, on va dire. Mais c'est un roman aussi très bien écrit stylistiquement, on sent qu'il commence à trouver son style, qu'il commence à trouver son rythme, il n'y a pas de longueur dans ce livre-là, alors qu'il y en a un peu pareil dans tous les précédents, même si pas beaucoup. Surtout dans Le Fléau. Ouais, surtout dans Le Fléau, effectivement. Mais après, Le Fléau a des longueurs parce que il est deux fois plus long que tous les autres, quoi. Donc, si c'est quatre fois plus. Là, c'est vrai qu'il revient aussi à quelque chose de beaucoup plus humble au niveau du format, au niveau du nombre de personnages, au niveau de l'ambition de l'intrigue. Et ça a joué en sa faveur, je pense. J'ai lu des critiques de gens qui reprochent qu'il y a trop de personnages dans Dead Zone. Bon, je trouve... Moi, j'en trouve pas, mais c'était juste parce que tu parlais justement du nombre de personnages et ça m'a rappelé... Surtout que finalement, tout va graviter autour de Greg et de Johnny. Bah oui. Donc c'est plutôt bien géré, comparé au Fléau ou à Salem, où là, d'accord, ça s'éparpille beaucoup plus. Greg, on l'a pas précisé, mais qu'on suit en plus en filigrane tout au long du roman... Oui. Ça aussi, c'est très intéressant de voir cette montée en puissance du mal, et c'est l'un des trucs qui manque cruellement au Fléau, justement. Parce que oui, le Fléau, on nous parle de cette menace de l'homme en noir, la grande menace de l'humanité, et au final, on le voit beaucoup trop peu pour que ça soit une vraie menace, pour que le lecteur ressente une vraie menace, alors que là, Greg, c'est tout le contraire. On le voit vraiment, du début jusqu'à la conclusion du roman, on le voit en filigrane faire ses trucs. Et il y a vraiment le côté monté du personnage populiste, du personnage hyper conservateur, dont on se demande tout du long comment il fait pour monter, comment les gens font pour pas se rendre compte du problème, mais le souci c'est qu'on se dit ça pour plein de politiciens réels, donc à ce niveau-là je trouve ça vraiment bien traité. Oui voilà c'est ça, c'était pareil au fil de la véritable histoire, du monde véritable. Au niveau des personnages, je trouve que c'est aussi une des rares histoires d'amour qui est vraiment convaincante chez King. Oui, puis on sent bien l'émotion de Johnny au moment où il sort de son coma et où il comprend que Sarah a refait sa vie, forcément, après autant d'années de coma. Ouais, mais ça aussi, c'est touchant, le fait qu'il lui en veuille pas. Oui, et puis ça reste important tout le long du livre, pour le coup, son histoire avec Sarah, elle n'est pas évacuée par la suite. Oui, voilà, c'est ça. Tandis que c'est vrai qu'en dehors de ça, en fait, King a surtout fait... soit des histoires d'amour assez secondaires dans l'intrigue, soit il part de couples mariés, mais du coup il y a moins le côté romance. Et en histoire d'amour vraiment convaincante du même style, il y a que dans 22-11-63, que je trouve qu'il fait aussi un très bon boulot. Je l'ai pas lu. Mais sinon, j'ai rien de... Enfin, en même temps, je lis pas King pour des histoires romantiques, hein, donc c'est pas un défaut, c'est pas un truc que je lui reproche. Non, clairement, mais c'est vrai que des fois, il a tendance à vouloir en mettre, ou alors mettre des scènes de coucherie, et on se dit, vu comment tu maîtrises, tu ferais bien d'éviter de le faire, en fait. Sinon, Sac d'Os, je crois que l'histoire d'amour est pas mal aussi. Oui, c'est vrai. Non, ce qui est aussi intéressant dans Dead Zone, c'est le développement de la mère de Johnny. On sent qu'il a voulu faire une espèce d'origine à la mère de Carrie. Genre, regardez comment, comment on en vient à devenir fanatique. Oui. C'est un peu ça. Bon, sachant que celle-là a au moins le bon goût de mourir avant de devenir fanatique. Oui, c'est vrai. Une mort très émouvante, d'ailleurs, pareil. Ouais. Enfin, très émouvante quand on est à la place de Johnny, surtout. Ouais, et puis je trouve que même dans le film, pour le coup, cette scène est pas mal faite, avec beaucoup de sobriété. Mm. C'est aussi un livre où il commence à... Enfin, où il traite des questions vraiment sérieuses, ce qu'il avait déjà fait dans Le Fléau, mais avec un succès plus que mitigé, on en avait parlé. Tandis que là, je trouve qu'il arrive à pas mal en traiter, parce que effectivement, il va se poser des questions morales sur est-ce qu'un assassinat politique est légitime ou non. La différence, c'est qu'a priori, Johnny sait qu'il a raison, mais comme le dit King en interview, en fait, tous les assassins politiques sont persuadés d'avoir raison. Donc je trouve que ça pose une question morale assez intéressante et avec une certaine finesse. C'est ça, c'est tous les fanatiques, au final, pensent avoir raison, tous ceux qui commettent un crime, oui. La différence, c'est que là, a priori, en tant que lecteur, on sait que Johnny a vraiment raison, qu'il a vraiment une capacité, quoi. Mais du coup, oui, le fait que King fasse en sorte que Johnny se pose la question, ça transforme pas le personnage en un fou furieux assassin. Ouais, voilà. Et même donc, si ça te donne encore plus de au lecteur de la compassion pour le personnage au final. Même s'il va devenir de plus en plus obsédé, de plus en plus malade au fur et à mesure de l'intrigue, parce que dans le roman, il y a l'idée qu'il a un cancer, une tumeur qui se développe aussi et qui va finir par le tuer. Voilà, et donc il a peut-être pas tout le temps devant lui pour passer à l'axe, quoi. Ouais, voilà, c'est ça, c'est un peu sa dernière action, la dernière grande action qu'il peut faire. Bah, et puis surtout, il y a aussi toute l'intrigue, on en parlait avant, avec le moment où il arrive à sauver son élève, mais pas le reste de la classe. Et où du coup, bah, il s'en veut, parce qu'il se dit, bah, j'aurais pu réussir à sauver vraiment tout ce monde-là, et j'ai échoué, j'ai réussi à sauver qu'une seule personne. Et clairement, ça pèse sur son mental. Parce qu'il y a toute une partie du roman où il est plongé dans la déprime. Bah, même autour de Frank Dodd, il s'en veut un peu de ne pas avoir osé intervenir plus tôt et d'avoir permis à Dodd de tuer une autre personne, une autre gamine. Ça fait très récit, ça fait très récit de super-héros à la Spider-Man. Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Ouais, moi j'aurais dit un peu incassable, aussi, côté ouais. Origin, et avec tous les questionnements que ça implique. Aussi, les deux se rejoignent, quoi, au final. Le fait, tu te dis que tu sais que tu vas bientôt y passer, bah, tu peux faire en sorte que, avant de partir sur un dernier coup d'éclat et de véritablement sauver l'humanité, parce que les visions qu'il a de Greg président, bah, c'est pas jouasse. Bah oui, il déclenche l'apocalypse nucléaire, hein, voilà. Pour ceux qui ne sauraient pas. Donc clairement, y a ce côté-là, grand pouvoir, grande responsabilité, mais en même temps, il y a le côté, est-ce que tu deviens pas le criminel que tu vas arrêter si tu franchis le pas ? Oui. C'est ça qui fait que le personnage est... Alors certains qualifieront Johnny de personnage un peu niais à cause de ça, mais personnellement, moi je trouve que c'est ça qui lui donne une humanité au final. Oui, bah il a un côté niais, un peu innocent, il est un peu candide, Johnny. Oui, clairement. Et c'est aussi ce qui fait sa qualité, c'est pas un personnage d'action, il se retrouve avec cette espèce de pouvoir qui est plus une malédiction qu'autre chose, à devoir gérer des trucs qu'il a pas les épaules pour ça, c'est ça qui fait que c'est intéressant. Oui, parce qu'on l'a pas signalé, mais le pouvoir s'active à partir du moment où il touche une personne, c'est pas lui qui décide d'activer le pouvoir, donc c'est vraiment une vraie malédiction dans ce sens-là. Ouais. Voilà, c'est pas bah tiens, je vais lire ton futur, donne-moi ta main, je vais enclencher mon pouvoir. Non, c'est il touche quelqu'un, que ce soit par mégarde ou en le voulant, bah hop, ça s'enclenche. C'est pour ça aussi qu'il va s'isoler de plus en plus. Donc oui, excellent roman, très très bien traité. C'est à conseiller pour un bon début chez King, si on commence à lire King, il est pas trop horrifique, et en même temps, il y a tout ce qui fait la qualité des romans de King. Il est même pas du tout horrifique, au final. Oui, clairement pas, ouais. Même. Il y a quelques moments un peu... Il est fantastique, mais pas horrifique. Il y a quelques moments un peu dégueulasses, mais ça, bon... Oui, pas trop encore. Hein. C'est ce qui va tourner autour de Frank Dodd, parfois. Oui, voilà, c'est ça, en fait. C'est tout. Mais même, c'est vrai que même les meurtres sont pas décrits non plus à fond, quoi. Ouais, c'est ça. Limite, l'adaptation de Cronenberg, en fait, est plus violente, parce qu'il y a l'aspect visuel en plus, quoi. Bah, je pense que l'adaptation de Cronenberg est plus violente. Hein. Pour la scène où il découvre le corps, où il a la vision, elle est... c'est du Cronenberg, quoi. C'est le moment où il se lâche vraiment, je pense. Tu parles du suicide. Même quand il voit le meurtre, la scène n'est pas tendre. Mais oui, le suicide aussi. Un suicide très original. Oui. On passe au film ? Eh ben, on passe au film. Allez, c'est parti. Tu étais dans le coma, Johnny. Combien de temps ? 5 ans. La maison est en feu. Votre fille est à l'intérieur. Il est encore temps. On ne parle que de toi. Parce que j'ai failli y rester et que je suis toujours là pour en parler ? Parce que tu as le pouvoir de double vue. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas, vos pouvoirs psychiques. Mais je ne sais plus quoi faire. John, vous pourriez m'aider ? Il s'agit de ces meurtres qui ont lieu. Le tueur de Castle Rock. J'ai vu son visage. Je me suis arrêté ici en route vers le Sénat américain. Greg Stills. Merci pour votre... Il est dangereux. Si vous pouviez faire marche arrière avant qu'Hitler ne soit au pouvoir, en sachant ce que vous savez maintenant, vous le tueriez. Je le tuerais. Vous n'en sortiriez pas vivant. Peu importe. Je ne suis pas fou, vous savez. Ces maux de tête s'aggravent, n'est-ce pas ? Plus les visions sont fortes, et plus le corps s'affaiblit. Si Dieu vous a béni de ce don, Johnny, il faut l'utiliser. M'a béni ? Non seulement tu peux voir l'avenir... Je peux le changer. Dead Zone. Au départ, c'est Lorimar Productions qui acquiert les droits du film et qui envisage le réalisateur Stanley Donen. Alors Stanley Donen, c'est un réalisateur qui avait vraiment de la bouteille à l'époque, qui est derrière Singing in the Rain, que je n'ai pas vu mais la BO m'insupporte, donc j'ai pas envie de voir ce film aussi culte qu'il soit. Les 7 femmes de Barberousse, Arabesque, le film, et Charade, qui pour le coup est un très bon film, comédie policière avec Audrey Hepburn et... je ne sais plus qui face à elle, mais c'est vraiment très chouette, Sharon. Alors après, du coup, de ce que j'ai vu de lui, je vois vraiment pas comment on a pu avoir l'idée de le mettre sur Dead Zone, mais pourquoi pas, de toute façon, il l'a pas fait au final, mais voilà. Et au scénario, c'était Jeffrey Baum qui était prévu, donc c'était un tout jeune scénariste à l'époque, mais depuis, il a fait Indiana Jones et la Dernière Croisade, L'Arme Fatale 2 et 3, enfin, il a eu une carrière assez respectable quand même. Oui. C'est Baum qui va avoir le premier l'idée de ne pas conserver la structure du roman, et notamment de supprimer la majorité des trucs liés à Greg Stilson, donc supprimer la double narration, on va suivre quasiment que Johnny dans le film. Et c'est effectivement une bonne méthode pour alléger très considérablement le scénario. On en reviendra, je suis pas tout à fait d'accord. On en reviendra. Alors c'est un projet qui ne va pas aboutir chez Lorimar à cause de difficultés économiques du studio, et c'est Dino De Laurentiis qui va récupérer les droits. Il avait déjà essayé d'avoir Cujo et du coup il a eu celui-là. Donc Dino De Laurentiis, on en a déjà parlé dans un précédent épisode, celui sur Peur Bleue, c'est un énorme producteur italien qui a fait aussi une brillante carrière aux États-Unis. Et il va engager Debra Hill pour vraiment superviser la production, et donc Debra Hill, c'est peut-être un nom que tu connais, pour le coup. On ne voit pas. Alors Debra Hill, c'est une très très grande habituée du cinéma de genre, puisqu'elle a beaucoup collaboré avec Carpenter. Elle est productrice et co-scénariste sur Halloween, oui. The Fog, New York 97 et Halloween 2. Et elle a produit Halloween 3 et Los Angeles 2013. Oui, voilà. Et à côté de ça, elle a aussi produit des films comme Cluedo, l'adaptation par Jonathan Lyne du jeu, qui est très bien, et Le Roi Pêcheur de Terry Gilliam. Donc une grosse productrice active dans le cinéma de genre qui est hélas morte assez jeune en 2004, elle avait 54 ans, mais elle a vraiment une très belle carrière pour le coup. Au début, la réalisation, une fois que Stanley Donen s'en va, est proposée à Frank Langella, qui refuse parce qu'il trouve que justement l'histoire fait un peu trop l'apologie des assassinats politiques, ce qu'il trouve irresponsable. Et du coup, l'année de la sortie de Dead Zone, Stanley Donen sort War Game. Ah. Qui est aussi un bon film. Oui, voilà. On n'a pas perdu au change. Ouais, voilà, c'est ça. Si vous voulez en apprendre un peu plus sur ce film-là, il y a un épisode de Crust qui est consacré. Je vous conseille d'aller voir. War Game et son final extraordinaire. Karim, maintenant, on attend que tu nous renvoies l'ascenseur. Hein. Oui. C'est Debra Hill qui va avoir l'idée de faire appel à David Cronenberg, qui avait en fait déjà été contacté au tout début par Carol Baum de Lorimar, mais ça n'avait pas été très loin, et donc quelques années plus tard, il reçoit un appel de Debra Hill, et ça l'amuse qu'on le contacte comme ça deux fois pour le même projet. Cronenberg, il avait connu un premier succès commercial en 81 avec Scanners, et il allait encore faire un bide en février 83 avec Videodrome. Alors Videodrome et Dead Zone sont sortis la même année, et en fait quand il scénarisait Dead Zone, quand il corrigeait le scénario, il était en train de monter Videodrome. Mmh. Et bon, vu le film qu'est Videodrome, on pouvait s'attendre au bide. C'est un de ses meilleurs films, mais clairement, c'était évident que ça allait pas marcher, quoi. Oui, clairement pas, non. Ça avait été une production épuisante d'ailleurs, et du coup il était plutôt content de partir sur une adaptation où il y avait déjà un scénario plutôt que de faire un projet à développer depuis zéro, et c'est la première fois qu'il n'est pas scénariste sur un de ses films. Donc Cronenberg, pour en parler un peu, c'est un réalisateur canadien qui s'est fait connaître pour son travail autour de ce qu'on appelle la body horror, c'est-à-dire une horreur qui va être basée sur le corps humain, quasiment tout systématiquement sur sa détérioration, et quasiment systématiquement sur sa détérioration à cause de quelque chose qui vient de l'intérieur de ce corps-là. C'est, il y a un côté, le corps devient son propre ennemi. C'est influencé dans l'ensemble, cette détérioration, ou c'est la source d'horreur mentale. La sexualité, la technologie et la psychiatrie ou la psychanalyse se mêlent beaucoup dans ses films. Il y a aussi souvent un aspect très scientifique, enfin il a un cinéma clairement très identifiable et très particulier, dans lequel Dead Zone, à première vue, peut sembler comme une anomalie, mais on en discutera après, pas tant que ça, quand on creuse un peu. Mais par contre, pour le coup, c'est clairement un de ses films les plus soft. Cronenberg, à côté de ça, c'est vraiment pas un réalisateur qu'on peut conseiller à tout le monde. Non, clairement pas. C'est régulièrement crade. Son autre film hyper connu, qui est La Mouche, c'est dégueulasse, hein, on va pas se mentir, La Mouche, c'est vraiment sale. Sur Dead Zone, il s'est clairement calmé à ce niveau-là. Au point que certains l'ont accusé de s'être vendu à l'époque. Même des films récents de lui, réputés comme moins crades que ce qu'il a fait, genre du History of Violence, quand c'est violent, c'est bien crade, quoi. Ouais, et bah pourtant, même les Promesses de l'Ombre, il y a cette baston ultra-violente dans le hammam. Dans le hammam, ouais. Qui est une baston extraordinaire, quoi. Mm-hmm. Mais oui, disons que quand il y a des effusions de violence, il ne va pas avec le dos de la cuillère, quoi. Ouais, il s'est jamais tellement calmé à ce niveau-là. Mm. De Laurentiis, avant que Cronenberg ne soit appelé, demande à King lui-même d'écrire un scénario, mais il sera rejeté. Alors, il y a plusieurs versions sur pourquoi il a été rejeté. Selon le livre The Stephen King Universe, The Guide to the World of the King of Horror, c'est dit que c'est De Laurentiis qui trouvait que le scénario était trop compliqué. Mais selon un magazine, un numéro spécial de Ciné Fantastique sorti en 1983 et consacré à Cronenberg, ce serait Cronenberg qui trouvait le script très médiocre, et dans son autobiographie plus tard, Cronenberg on Cronenberg, il en dit « Le scénario de King lui-même était très mauvais, non seulement c'était un mauvais scénario, mais ses fans m'en auraient même voulu de tourner un scénario comme ça, ils m'auraient accusé de détruire son œuvre. C'était en gros un scénario de slasher bas de gamme. » Voilà. Ça fait mal. Après, King en tant qu'écrivain de scénario... Ouais, il est pas forcément formidable, mais j'aime bien l'idée que Cronenberg mâche pas du tout ses mots. Dino De Laurentiis demande un autre scénario à Andrei Konchalovsky, un réalisateur et scénariste russe qui a notamment travaillé sur les premiers films de Tarkovsky. Ah. Voilà. Donc à première vue, ouais, mais à première vue, je vois pas s'il vient foutre là, même si par la suite, il a réalisé Tango et Cash. Bon. Il y a des gens qui ont des carrières étranges. Hein. Bah après, le goût et les couleurs, hein. Non, mais j'aime bien Tango et Cash, hein, c'est rigolo, mais c'est quand même un peu inattendu. Ah, tu sais, c'est comme tous ces réalisateurs qui font des séries B horrifiques alors qu'ils aiment pas du tout le genre horrifique, quoi. Ouais, peut-être. Il y en a plein, hein, tu sais. Et ce scénario sera rejeté, et apparemment, Cronenberg ne prend même pas la peine de le lire, en fait. Il le rejette, il en a marre, il a envie de reprendre le premier scénario de Jeffrey Baum. Il est comme ça. Et donc, il passe 3 jours dans une chambre d'hôtel avec Baum et avec Debra Hill pour apporter les retouches nécessaires au scénario. Dans les changements apportés à ce moment-là, il y en a ceux qui sont signalés. Il y a le fait d'inclure Johnny dans ses visions. Alors au départ, il devait apparaître dans toutes les visions. Au final, au montage final, il est là que dans une partie. Et la suppression d'une fin. Alors à la base, à la fin, en fait, alors le tueur de Castle Rock ne devait pas être tué. Il devait être arrêté par la police. Et c'était prévu que ce tueur revienne à la fin quand donc on conduit Johnny à l'hôpital une fois qu'il a été blessé après avoir tiré sur Greg Stilson. Sarah vient le voir à l'hôpital, et quand elle repart, Johnny devait avoir la vision de quelque chose de grave qui allait arriver. Il murmure Sarah à son père, en fait. Et là, on devait switcher sur Sarah dans le parking de l'hôpital, se faire tuer par le tueur. Sauf qu'après, on se rendait compte que c'était la vision de Johnny, et son père arrive à temps à interrompre la catastrophe. Et Cronenberg ne va pas conserver cette fin, qu'il trouve beaucoup trop à la Brian De Palma. Oui. Ce qui ne veut pas dire qu'elle est mauvaise, mais effectivement, une fin comme ça, moi, ça m'évoque clairement un film de De Palma, oui, plutôt qu'un film de Cronenberg. Alors que, apparemment, c'était le seul truc que Dino De Laurentiis aimait dans le scénario. Mais du coup, Cronenberg va réussir à imposer son avis quand même. Alors que, pour le coup, la fin du roman est parfaite. Oui, pour vraiment, le coup, oui. Top, quoi. Au départ, dans le rôle principal, Cronenberg voulait Nicholas Campbell, qui avait déjà joué dans Chromosome 3 et dans Fast Company, il avait aussi co-scénarisé Fast Company, mais De Laurentiis veut un acteur plus connu pour que le film ait des bonnes chances au box-office, donc Campbell va finalement avoir le rôle de Frank Dodd, tandis que Johnny est proposé d'abord à Bill Murray, sur suggestion de Stephen King, avant que De Laurentiis ne suggère le nom de Christopher Walken, qui plaît à Cronenberg. Ouais. Même Bill Murray, ça aurait pas été déconnant non plus. Ouais, physiquement, ils ont un truc. À l'époque, ils avaient un truc en commun, hein, je trouve. Bah, et puis surtout, les deux correspondent bien à la vision de King de faire un personnage lambda, en fait. Ouais, c'est ça. Parce que c'est vraiment l'une des forces de Christopher Walken, c'est d'avoir un physique vraiment d'homme de la vie de tous les jours. Ouais. C'est pour ça qu'il colle vraiment parfaitement au Johnny version cinématographique. Walken, il avait connu le succès peu de temps auparavant grâce à Voyage au bout de l'enfer de Michael Cimino, qui lui avait valu un Oscar du meilleur second rôle. Très bon film. Après, il a quelques années où il fait des films pas mauvais, mais qui ne rencontrent pas le succès, et c'est Dead Zone et Dangereusement Vôtre, l'année qui est tournée l'année suivante, qui vont clairement relancer son succès, et depuis, après, il a eu un bon paquet de rôles, il a eu une très belle carrière. Dans les rôles que j'aime beaucoup lui, je peux citer Batman le Défi, Jersey Boys, Man on Fire, pardon. Mais c'est jamais vraiment des rôles vraiment en avant, quoi. C'est toujours du second rôle, du rôle de méchant, ou tu vois ce que je veux dire. C'est pas vraiment du... J'adore sa carrière et j'adore vraiment son boulot d'acteur, mais je trouve qu'il a pas justement l'aura qu'il aurait pu avoir, alors que c'est un putain d'acteur qui aurait mérité plus. Ouais, c'est ça. Après, il est tellement bon dans les rôles de méchant aussi. Oui, voilà, c'est ça. Dans... C'est clair que son rôle dans Batman Return, voilà. Ouais. Et c'est marrant parce que les gens ont tendance à l'oublier, en fait, dans Batman Return, parce qu'on pense toujours à Catwoman et au Pingouin, à De Vito et à Pfeiffer. Mais lui, on l'oublie toujours, alors que bah, il est extraordinaire dedans aussi. Bah oui, alors que c'est lui le vrai méchant du film. Ah oui, bah c'est lui qui... Clairement. C'est à cause de lui, en fait, que tout arrive. Oui, c'est ça. Et c'est le seul qui est un connard d'un bout à l'autre du film. Oui, aussi. Un vrai connard de compète. Ouais. C'est la première fois que Cronenberg, grâce au budget qu'il a, 10 millions de dollars, et à la production de De Laurentiis, qui a une grosse réputation derrière, et Debra Hill aussi, c'est la première fois donc qu'il arrive à acquérir un casting d'acteurs et d'actrices pas forcément hyper célèbres, mais c'est pas des débutants, c'est pas des inconnus totales. Mmh. Donc dans le rôle de Greg Stilson, on a Martin Sheen, qui a été convaincu d'accepter le film par son fils, Charlie Sheen. Ils se ressemblent. Physiquement ? Ouais. Ouais, clairement. Je trouve, hein, Donc Charlie Sheen, en fait, avait adoré les précédents films de Cronenberg, donc il a dit à son père de prendre le rôle. Martin Sheen, c'était un des rôles principaux de La Balade Sauvage de Terrence Malick, dans lequel il y avait aussi Sissy Spacek, d'ailleurs, c'était aussi un de ses premiers rôles à elle. Et dans Apocalypse Now de Coppola, c'est celui-là qui va vraiment lancer sa carrière. On le retrouvera, nous, dans un film qui a été tourné très peu de temps après, dans Charlie, dans lequel il joue le méchant. Et il a régulièrement joué aussi aux côtés de ses fils. Il a joué aux côtés de Charlie Sheen dans Wall Street et dans Anger Management, où il joue son père. Et aux côtés de son autre fils, Emilio Estevez, plutôt en étant dirigé par lui. Et Emilio Estevez, on le verra dans Maximum Overdrive. Quel acteur, quel talent, ouais, voilà. Quelle filmographie. Ah bah il a des bons rôles, hein, Emilio Estevez, il est aussi dans The Breakfast Club. Oui. C'est pas un mauvais acteur, c'est juste que Maximum Overdrive, voilà. Hein. Ça veut dire qu'il faut changer d'agent, quoi. Ouais. Et Martin Sheen, son rôle le plus connu, c'est peut-être le président dans La Maison Blanche. Ouais. Dans le rôle de Sarah, on a Brooke Adams, qui avait joué un rôle important dans Les Moissons du Ciel de Terrence Malick, décidément, ainsi que dans L'Invasion des Profanateurs, aux côtés de Donald Sutherland et Jeff Goldblum, qui est plutôt un bon petit film de série B. Ouais, très appréciable. Et nous, on la retrouvera dans Vengeance Diabolique, adaptation de Court Jimmy Court. Vengeance Diabolique. Qui est une bonne nouvelle, mais le titre me donne pas très envie. Ça renvoie à De Laurentiis, parce qu'il a produit un Mario Bava qui s'appelle Diabolique. Effectivement. Adaptation d'une bande dessinée italienne. Ouais, je l'ai pas vu, Danger Diabolique. Danger Diabolique. Qui a l'air bien kitsch, mais qui a l'air assez fun. Qui est même assez trash en plus. D'accord, faudrait que je le voie, celui-là, il me tente bien. Après, c'est une adaptation de Fumetti, donc tous les Fumetti sont un peu trash, c'est le but même du Fumetti. Ouais. Et Brooke Adams, elle est, pour l'anecdote people, mariée à Tony Shalhoub, Monk. Dans le rôle de Bannerman, on a Tom Skerritt, qui avait joué dans Alien, mais c'est un des seuls trucs notables de sa filmographie. Mmh. Et le docteur Wizak, enfin, est joué par Herbert Lom, un acteur avec une très longue carrière. Son rôle le plus emblématique, c'est, je pense, l'inspecteur Dreyfus dans les films La Panthère Rose. D'accord. Celui qui est toujours victime de Peter Sellers. Mmh. Mais on l'a vu aussi dans le rôle du fantôme de l'opéra de Fischer, ou dans le rôle de Van Helsing dans Les Nuits de Dracula de Jesus Franco, donc pareil, un habitué du film de genre. Le tournage commence en janvier 83, pour une sortie en octobre, ça se fait à Ontario, donc au Canada. Apparemment par des températures très froides, il faisait jusqu'à moins 30, mais c'est un tournage qui se passe plutôt sans problème. Cronenberg en est assez satisfait, en tout cas c'est ce qu'il disait à l'époque, donc est-ce que c'est fiable à 100%, mais j'ai pas trouvé de contre-indication là-dessus. Au production design, on a pour le coup déjà une habituée de Cronenberg, vu que c'est Carol Spear, qui était là depuis Fast Company et était encore là sur Maps to the Stars, donc elle a vraiment suivi toute la carrière de Cronenberg. Ouais. Et elle a aussi travaillé à côté de ça sur Pacific Rim, Blade 2 et Mimic de Del Toro, et sur Silent Hill. Donc pareil, un gros nom du production design. Ouais, et plutôt des bons films en plus. Ouais. À l'exception de Mimic, mais qui n'est pas non plus une bouse infâme, je trouve. Oui, c'est ça, on sent juste que la production a été compliquée à cause de Weinstein, d'ailleurs. Pour ce film, Carol Spear trouve son inspiration dans les peintures de Norman Rockwell. Elle voulait recréer un nord de l'Amérique le plus authentique possible, donc elle s'est inspirée de ce peintre qui a effectivement beaucoup peint ça. Mm-hmm. Et le directeur de la photo, Mark Irwin, il avait aussi déjà travaillé sur Fast Company, Chromosome 3, Scanners et Videodrome, et il retravaillera aussi sur La Mouche, mais ce sera sa dernière collaboration avec Cronenberg. Et après, il a eu une carrière assez riche, avec plusieurs collaborations avec Wes Craven sur Freddy sort de la nuit, Un vampire à Brooklyn et Scream, avec les frères Farrelly, donc dans un tout autre style. Mmh, tout à fait. Ou avec Mark Lester, qui est le réalisateur de Charlie, mais c'est pas lui sur Charlie. D'accord. Et enfin, à la musique, à la musique, Cronenberg voulait Howard Shore, comme pour tous ses films depuis Chromosome 3. Sauf que Dino De Laurentiis veut aussi un nom plus connu, et donc il appelle dans un premier temps Michel Legrand. Sauf que Michel Legrand, quand il apprend qu'il a que 8 semaines pour composer l'intégralité de la BO, il dit il refuse le contrat. Probablement qu'il était occupé sur Parking de Jacques Demy. Ouais. Petit méchante, c'est même pas la même année, je crois. Cronenberg se retourne de nouveau vers Howard Shore, qui commence apparemment à travailler sur le film, sauf que comme aucun contrat définitif n'est conclu, en toute urgence, De Laurentiis, sans demander l'avis à personne, va contacter Michael Kamen, qui est surtout connu du grand public pour ses musiques de films, donc sur des films comme Brazil, Les 4 armes fatales, Les 3 premiers Die Hard, Les aventures du baron de Munchausen, Permis de tuer, Robin des Bois, Prince des voleurs ou Last Action Hero, Le géant de fer et X-Men aussi. Donc un gros compositeur, qui est mort maintenant d'ailleurs, et qui a aussi composé pas mal d'œuvres de concert. Moi, dans l'ensemble, je suis plus sensible à ses œuvres de concert, à ce compositeur. Mm-hmm. Et là, je trouve qu'il fait une BO qui ressemble beaucoup à du Howard Shore, en fait. Au final, c'est une BO assez sombre, assez d'ambiance, avec des thèmes plutôt difficiles à saisir. C'est peut-être un peu plus lumineux que la moyenne des œuvres de Howard Shore pour Cronenberg, mais clairement, c'est un peu comme quand Howard Shore justement a travaillé avec Tim Burton et a fait une BO très Danny Elfman dans l'esprit. On sent qu'ils ont l'habitude de travailler avec une personne et qu'ils demandent à leurs autres compositeurs de s'adapter à ce style-là. Mmh. Mais pour l'instant, je trouve que la BO de Dead Zone fonctionne plutôt bien. Ah oui, je la trouve vraiment chouette pour le coup, oui. les changements principaux apportés à l'intrigue, pour une liste rapide comme ça on pourra en parler par la suite, il y a déjà l'apparition plus tardive de Stilson, que tu as déjà évoqué. Il y a le fait que Johnny n'a pas ses pouvoirs avant son accident de voiture dans le film, alors que dans le livre, on laisse sous-entendre qu'il les avait déjà enfant et qu'ils se sont réveillés par la suite, un peu comme dans Carrie, un peu le même phénomène, ouais. C'est un traumatisme qui les réveille. Dans le film, il a une douleur, c'est comme ce que provoquent ses pouvoirs quand ils sont l'espèce de foire. Oui, c'est ça. Au tout début. Mais on peut se dire que c'est une prémonition ou un truc du genre. On sait pas trop ce dans le film. Voilà, il y a quelque chose qui se manifeste à ce moment-là. L'idée que Johnny a une tumeur est totalement supprimée dans le film. Mm. C'est son pouvoir qui le tue directement. Et tout ce qui tourne autour de son élève, son âge. Dans le livre, il a 18 ans, à peu près 17-18 ans. Dans le film, il est plutôt jeune. Et le risque qu'il court dans le film, c'est d'avoir un accident de car en allant à un match de hockey. Ce qui en gros reprend en fait la scène initiale de Johnny quand il était enfant, mais en déplaçant, en la transcrivant à l'enfant du coup. D'ailleurs, cette scène initiale à la base était tournée, mais Cronenberg a trouvé qu'elle ralentissait le rythme, qu'elle permettait pas un bon départ, donc il l'a supprimée au final. D'accord. Et aussi au départ, comme dans le livre, l'enfant que chope Greg Stilson pour se protéger des balles à la fin, ça devait être un enfant anonyme, et c'est sur suggestion de Christopher Walken que ça a été finalement l'enfant de Sarah. Suggestion sur une blague à la base, s'il faisait des vannes en jouant avec son arme en répète, et Cronenberg a trouvé que ça marchait bien. Et ça marche bien, mon film. Oui, c'est ça. Au départ, d'ailleurs, Johnny devait tirer malgré la présence de l'enfant, et ça, c'est King qui a suggéré qu'on change l'ordre des plans pour qu'on n'ait pas l'impression que Johnny soit prêt à sacrifier la vie d'un enfant. Oui. Ce qui aurait été dommage, oui. Ce qui aurait été à l'encontre du personnage, en plus. Ouais, c'est ça. Même si dans la folie finale, ça aurait peut-être été compréhensible, ça l'aurait pas rendu attachant. Oui, voilà, c'est ça. Le film a rapporté 20 millions, donc c'est deux fois plus que son budget, ce qui est pas trop mal, sur le territoire américain uniquement, et il a été très bien accueilli par la critique. Roger Ebert le qualifie de meilleure adaptation de King à ce jour. C'est peut-être aussi le fait que ce soit pas absolument qu'un film d'horreur qui ait aidé à ça. Mmh. King a été beau joueur, et malgré le fait qu'on ait craché sur son scénario, il aime beaucoup cette adaptation, bon, pas au point de la classer dans ses favorites aujourd'hui, mais il juge que Cronenberg en a fait une histoire très humaine, et il juge que, sur certains points, le film est même supérieur au roman, notamment en tout ce qui concerne l'élève de Johnny. Il trouve que la vision du film est meilleure que ce qu'il a trouvé lui. Je le rejoins sur ce point-là. Oui. Jeffrey Baum, le scénariste, sera un peu vexé que Stephen King parle du talent de Cronenberg, mais ne le mentionne jamais lui. Petite fierté d'écrivain, blessée, quoi. Voilà, c'est ça. Fierté d'auteur. Aujourd'hui, le film a 3,7 étoiles sur Allociné de la part des spectateurs, donc c'est une étoile de moins que ce que lui donne la presse. Mais ça le place tout de même premier à égalité avec Carrie, de tous les films qu'on a vus, nous. Et il a 91% de fraîcheur sur Rotten Tomatoes, ce qui, dans tout ce qu'on a vu, nous, le place à deuxième à égalité avec Jesse. Voilà, on va pas insister là-dessus. Ouais, mais en même temps, on fait partie de la minorité à ne pas avoir aimé Jesse. Ouais. Malheureusement. Tu dois savoir que je suis mariée. Oui, je suis au courant. C'est un chic type. Tu enseignes toujours ? Mais au foyer, ça occupe une femme. Ah, des enfants aussi, ça j'ignorais. Tu m'excuseras. Je croyais que ton père te l'avait dit. Il est merveilleux et si mignon. Il s'appelle Denis. Quel âge a-t-il ? 10 mois déjà. Bien content pour toi, bravo. Pas tes yeux de chien battu, Johnny. Ah oui, mais qu'est-ce que je peux y faire? Pour toi, bien sûr, 5 ans ont passé, mais pour moi, c'est comme si on était le lendemain. Et moi, mon cœur n'a pas encore eu le temps de changer. Oh, Johnny. Pourquoi il a fallu que ce drame nous arrive? C'est pas de chance, c'est tout. Et donc, il est temps de passer à nos avis. Christopher, qu'as-tu pensé de Dead Zone? Dead Zone, alors déjà, ça fait immensément plaisir, parce qu'on va pouvoir parler du travail de Cronenberg dans son ensemble, parce que putain, mais quel grand réalisateur que Cronenberg. Scanner, on en a parlé, Chromosome, c'est un film Chromosome extraordinaire, Chromosome 3. Ouais, j'ai une préférence pour Scanner, moi. Ouais, moi aussi, mais les deux sont géniaux, quoi. Ouais. Vidéodrome, on a déjà parlé, c'est génial, je suis d'accord, c'est clairement l'un de ses meilleurs films. J'ai beaucoup d'amour pour La Mouche et j'ai aussi beaucoup d'amour pour Dead Zone. Et je suis d'accord avec King, c'est vraiment, il en a fait un film très humain, vraiment. Déjà grâce au casting, parce que tous les personnages sont proches de nous, en fait, c'est vraiment des gens de la vie de tous les jours qui sont propulsés, entre guillemets, parce qu'ils sont pas propulsés non plus à donf dans cette intrigue, mais ils sont quand même, malgré eux, mêlés à une intrigue fantastique qui arrive un petit peu violemment dans leur monde de la vie de tous les jours, surtout bah, les parents avec le décès de la mère, qui décède au moment où la presse commence à s'en prendre à son fils, parce que la presse vient à être au courant que Johnny a des visions, et la mère qui est dans un grand délire croyant, qui pense que son fils, alors c'est plus retranscrit dans le roman, mais du coup elle pense que son fils vraiment a été touché par, par la main, une main divine, quoi, on va dire. C'est vrai que cet aspect-là est moins mis en avant dans le film que dans le roman. C'est vrai que c'est peut-être un Cronenberg, pas totalement Cronenberg, mais en fait si quand même. Parce que oui, il n'y a pas la destruction des corps qu'on retrouve dans tous les Cronenberg, mais il y a quand même cet aspect très corporel, même s'il n'est pas enfoncé au marteau dans le crâne du spectateur. Ça reste quand même un pouvoir qui se déclenche quand quelqu'un... Enfin, quand Johnny touche quelqu'un, donc ça reste vraiment proche du corps, et c'est quand même un pouvoir qui le détruit, au final, et qui vient de l'intérieur de lui. Oui, c'est ça, c'est surtout cet aspect-là, c'est... En fait, c'est juste que c'est moins manifesté visuellement. Oui. Mais ça reste l'idée qu'on retrouve dans tous les Cronenberg, que la destruction vient du corps des personnages. Tout à fait. C'est... On peut le rapprocher peut-être à ce niveau-là, plutôt de ce qu'il va faire par la suite dans ses films post-existence, où il y a toute cette idée de toujours de l'abandon des corps, mais beaucoup plus intérieur, avec History of Violence, ou même avant, il l'avait fait avec Faux Semblant, oui. Où pareil, il n'y a rien de physique jusqu'à très tard. Donc je trouve qu'on retrouve pleinement les thèmes de Cronenberg, il y a aussi tout le thème de l'isolement social qu'on retrouve beaucoup, et qui est pareil, un truc récurrent des personnages de Cronenberg, qui peu à peu vont s'isoler des autres. Le thème des sentiments qui vont être totalement étouffés par le pouvoir, c'est aussi quelque chose de récurrent dans son cinéma. Donc, c'est peut-être plus subtil, plus propre sur lui que d'habitude chez Cronenberg. Oui, voilà, c'est surtout ça. Mais en fait, réalité, il se l'est beaucoup approprié, mine de rien. C'est surtout ça, en fait. Il ne fait pas Cronenberg parce qu'il n'y a pas d'effusion de sang, il n'y a pas de destruction des corps à proprement parler. Voilà, c'est moins glauque, c'est moins poisseux, mais quand même, quoi. Et encore, c'est moins poisseux, on l'a dit plus tôt dans l'émission, la découverte du cadavre, la découverte du suicide, le passage où ils sont dans le tunnel, tout ça c'est quand même des passages, c'est ultra Cronenberg, quoi. La ouais. Scène du tunnel, déjà le plan est magnifique, quand ils sont dans ce tunnel tout boueux à parcourir et où le flic du coup fait le bilan de l'enquête à Johnny, mais c'est du pur Cronenberg tout ce passage là. Oui, c'est ça, et puis bah, elle est assez... le suicide de Frank Dodd, même si on voit pas le moment précis où il se tue, est assez emblématique, quand il plonge la tête dans des ciseaux pour se transpercer la gorge comme ça, c'est pareil, très graphique, même si on ne voit quasiment rien en réalité. C'est... Alors, c'est tellement graphique que quand même tu te dis, bon, c'est peut-être la manière de suicider la moins sûre du monde, t'as quand même 95% de chances de te foirer quand même comme technique. Ouais, mais ça suffit d'être un peu doué avec les ciseaux, hein. Alors, c'est ça. Quand on s'est découvert. Voilà, bah, on dit qu'il faut pas courir avec des ciseaux, faut ouais. Pas prendre son bain non plus avec des ciseaux, en c'est fait. C'est ça. Et d'ailleurs, le suicide est aussi présent dans le roman. Oui. C'est quelque chose que Cronenberg reprend, le suicide, qu'ils arrivent pas à choper à temps. Ouais, effectivement, ouais. Sauf que, du coup, dans le roman, Johnny se reproche le fait qu'ils n'arrivent pas à le choper avant, parce qu'il pense que c'est... Enfin, il pense, c'est clairement à cause de lui qu'il n'a pas réagi à temps, alors que là, au final, c'est juste que bah, le responsable a réussi à aller chez lui avant, et il se suicide avant qu'il arrive, tout simplement. Ouais. Ce que se reproche Johnny, par contre, c'est d'avoir autant attendu pour aller sur place, et donc d'avoir permis un nouveau meurtre. Oui, c'est voilà. Plus ça qu'il va se reprocher dans le film. C'est ça. Le changement au niveau de l'âge de son élève, je trouve ça plutôt intéressant. Ouais, ça introduit quelque chose de plus attachant, une relation plus intéressante, je trouve. Et puis ça rappelle quelque chose, c'est que le personnage de Johnny n'a pas pu avoir d'enfant avec Sarah, et au final il retransmet ce côté paternel qu'il aurait pu avoir, en fait, si l'accident n'avait pas eu lieu. Du coup, c'est ça qui est intéressant, en fait, dans cette relation-là. Parce que là, c'est une relation avec un enfant, vraiment. Alors que, oui, il a 18 ans, son étudiant. Quoi, ouais, c'est un ado asocial dans le livre. Donc c'est beaucoup moins difficile de faire un rattachement paternel avec un ado de 18 ans qu'avec un gamin de 10 ans. Ouais, voilà. Voilà. Pour ça, je trouve ça intéressant, en fait. Surtout que tout le monde lui dit que le gamin est asocial, et en fait, c'est juste qu'il veut pas parler à tout le monde. Oui. Tandis qu'il a un rapport assez direct avec Johnny. La réplique qu'il a, qu'ils ont... génial, leur première rencontre, c'est quand Johnny lui dit ton père dit que tu es dans un cocon, et c'est le gamin qui répond non, c'est mon père qui est dans un cocon. Oui. Et Johnny rigole à cette réplique, puis après on les voit dehors en train de se promener. Le père faisant campagne aux côtés de Greg Stilson, on peut se dire que le gamin a peut-être raison. Oui, mais faisant campagne, mais en n'aimant pas Greg et en le considérant vraiment comme un danger. Oui. C'est ce qu'il dit à Johnny d'ailleurs, mais il lui dit que même si... quand quelqu'un est dangereux, s'il a des chances de gagner, de passer à la postérité, mieux vaut être de son côté. Parce que si t'es pas de son côté, tu risques bien pire, en fait. Ouais, enfin c'est quand même un peu hypocrite comme manière de voir les choses. Oui, clairement. Mais du coup, moi, je vais en venir directement à ce point-là. Je trouve que le fait de ne pas avoir montré Greg en filigrane depuis le début du film, je trouve que moi, personnellement, je considère ça comme une erreur. Après, c'est pas une erreur qui fait que le film est raté, loin de là. Mais du coup, je trouve qu'on perd ce côté menace lancinante qui est dans le roman. Parce que vraiment, dans le film, Greg, il apparaît très tard. Il apparaît vraiment au bout de 1h, 1h10 de film. Oui. Et le fait que ça devienne une menace, ça arrive 30 minutes, 25 minutes avant la fin du film. Donc, ça arrive un petit peu comme un cheveu sur la soupe. C'est pas non plus extrêmement dérangeant, mais je trouve que ça arrive vraiment un petit peu trop vite, quoi. Bah après, ça installe une autre ambiance, je trouve, qui n'est pas inintéressante, c'est que le spectateur, comme Johnny, se prend d'un coup sur le coin de la gueule qu'il y a une menace mondiale qui risque de tuer tout le monde. Et finalement, on est un peu dans la situation de Johnny, quoi. Il faut réagir dans l'urgence, il n'y a pas le temps pour réfléchir, et il faut qu'il improvise à partir de là. Ce qui est bien traité dans le film, c'est que Greg Stilson, en réalité, on le voit... Enfin, il est mentionné beaucoup avant, il y a notamment son panneau qui est juste en face de chez Johnny, qu'on voit très souvent pour le coup. Mais Johnny en a rien à faire, il passe toujours devant sans s'en préoccuper. Et puis on le voit même juste plutôt en début de film, après le réveil de Johnny, quand les journalistes viennent l'interviewer. T'as un journaliste qui lui demande « Est-ce que vous pensez que Greg va être élu ?» Mais c'est qui ça? Genre, vu qu'il sort d'un coma, forcément, il sait pas de qui on parle. Oui, c'est ça, et c'est bien traité le côté totalement dépolitisé de Johnny, qui en fait, finalement, c'est même pas un assassinat politique qu'il fait, je trouve, dans le film, parce qu'il sait toujours pas qui est Greg Stilson à la fin. Il le tue vraiment parce qu'il l'a vu dans une vision que ça allait être un danger énorme pour l'humanité. Mais il n'y a pas de considération politique derrière, parce que tout le film nous présente Johnny comme étant totalement à côté de la plaque à ce niveau-là. Mais en fait, voilà, c'est pour ça que je considère que c'est pas... un mauvais point, que c'est pas quelque chose qui nuit au film, parce qu'en fait je suis aussi d'accord avec ce que t'affirmes, je suis d'accord avec ce que tu dis. C'est juste que du coup, ça aurait pu être intéressant de faire une menace qui gonfle au fur et à mesure avec une ambiance à la Cronenberg, je sens. On aurait pu gagner. Mais, vu que le film est très bien comme ça, c'est pas quelque chose que je peux reprocher non plus. C'est pas une tare. Oui. Mais c'est juste que vu que c'est, pour moi... l'une des grosses qualités du roman, cette menace grandissante, qui avait été totalement ratée dans Le Fléau, pour leur dire, du coup, je trouve ça un petit peu dommage d'avoir été balayé d'un revers de main dans le film. Ouais, après, c'est ça. Après, pour faire un film d'une longueur acceptable, c'est peut-être aussi nécessaire. Il y a aussi ça. Le film dure déjà 1h40, entre 1h40 et 1h45, voilà. Mais je n'avais pas besoin de ces recherches ni de cette documentation pour noter que votre pouvoir vous tue et vous vide à petit feu. D'un seul regard, on comprend. Je vais mourir, c'est ça? Dans quel délai? Je crois qu'on peut arrêter le processus. Je crois qu'on peut l'inverser. Par quelle stratégie? Revenez avec moi. Mais où? Mais à la clinique, évidemment. Non. Il n'est pas question que j'y retourne. John, je vous en supplie, il le faut. Pourquoi? Pour être votre cobaye? Non. Je veux vous protéger. Vous devez être placé sous contrôle dans un environnement douillet. Je veux vous montrer quelque chose, venez voir. Venez avec moi. Je reçois un courrier énorme et c'est là, ça s'amoncelle. Qui écrit ces lettres? De pauvres gens, dont le chien, dont l'enfant, dont la vie est un problème. Vous ne les avez même pas ouvertes. Mais ce n'est pas nécessaire. Ils demandent tous la même chose. La sécurité, l'amour, le rêve, autant de choses que je ne peux pas leur offrir. Alors ce courrier s'entasse là. Mais pourquoi? Pourquoi le gardez-vous? C'est ça qui m'empêche de sortir, de vivre ma vie. C'est pour ça qu'il faut que je reste ici, calfeutré. Je vis déjà sous contrôle, je suis dans votre environnement douillet. Ici, rien ne peut m'atteindre. Ce qui est rigolo, c'est que chez Cronenberg, il y a souvent, je trouve, une ambiguïté, enfin, pas une ambiguïté, mais un contraste entre une manière de filmer et une histoire très clinique dans l'approche scientifique de ce qui est raconté. Et là, il y a toutes les recherches du médecin sur la maladie de Johnny, il y a quelque chose de très froid à ce niveau-là. Et à côté de ça, les personnages qui luttent pour conserver leurs sentiments, souvent leur sexualité aussi, là, pour le coup, c'est beaucoup plus en retrait dans celui-là. Mais donc, il y a une dualité chez Cronenberg, t'as l'impression que c'est des personnages qui veulent exprimer des émotions, qui veulent être chaleureux, et qui se font étouffer par leur pouvoir, par tout ce qui les entoure. Et ça, on le retrouve bien, pour le coup, dans Dead Zone. C'est, son histoire d'amour est tuée à la fois par son accident et par son pouvoir. Comme ce sera le cas, d'ailleurs, dans La Mouche. Oui, clairement. C'est vrai que beaucoup d'émotions dans Dead Zone, clairement dues au Christopher Walken. Oui. Vraiment, clairement, il porte le film sur ses épaules, même si le reste du casting est très très bon aussi. Mais lui, il a un jeu, mais super juste. Ouais. Vraiment. Et on voit qu'il a pris plaisir, en fait, à être sur le plateau. On voit que c'est toujours du sourire sincère. Il y a souvent des acteurs où on voit quand ils se font chier. On voit quand ils sont là pour payer leurs factures. Et clairement, en fait, c'était pas le cas sur le plateau pour Christopher Walken, quoi. Il est vraiment bon, mais du début à la fin. La BO aide aussi pas mal à tous ces passages d'émotion, parce qu'elle colle vraiment bien avec ce qu'on a. BO qui, d'ailleurs, avant l'accident, enfin, tout au début du film, c'est un long morceau, tu sais, qui va du moment où il est avec Sarah et qu'il la raccompagne chez elle, au moment où il a l'accident, et donc la musique est très douce, très romantique au début, pour devenir de plus en plus sombre et sinistre au fur et à mesure que l'accident de voiture se profile à l'horizon. Vraiment, la BO fonctionne, mais à merveille, quoi. Ouais, c'est un des travaux que je préfère de Kamen. Il y a... Walken, il a aussi, en plus, physiquement, je trouve, dans celui-là, un côté un peu fragile. Il est pâle, c'est pas un acteur qui est hyper grand, il est maigrelé. Il a toujours été comme ça, donc ça fait lui un très bon méchant quand il joue les méchants. Mais là, du coup, on a juste l'impression qu'il est fragile et qu'il peut se briser au moindre moment, limite, à la fin. Tu sens que c'est pas le tueur fait pour ça, quoi. Et c'est pour ça que dans le rôle d'un homme lambda de la vie de tous les jours, il colle, mais parfaitement, quoi. Le choix est super judicieux. C'est ça, ouais, c'était vraiment un très bon choix. Et vraiment, la fin, du coup, la fin est la même que dans le roman. Ouais, il y a juste un épilogue qui est supprimé. Voilà, tant mieux, parce que je trouve que dans le roman, il apporte pas non plus des masses, quoi, cet épilogue-là. Oui, c'est ça, bon, il est pas mauvais, mais c'est vrai qu'en film, il aurait trop rallongé. C'est ça. Et il aurait surtout, je pense, dans le film, il aurait balayé la mort de Johnny, qui est pleine d'émotions, en fait. Oui, voilà. À l'écran, ça va vraiment bien, quoi. Ça aurait un petit peu fait du tort à ce final. Non, qu'on peut signaler aussi, c'est bon, j'aime bien que le fait, tout ce qui est pressenti sur l'histoire d'amour qui va se briser entre Johnny et Sarah soit à travers un poème de Poe, c'est à travers le corbeau qui est cité plusieurs fois. Comme j'adore Poe, ça me fait toujours plaisir de le voir cité. Clairement. C'est un auteur que King aime beaucoup aussi en plus. Oui, effectivement, oui. Donc clairement, ça fait pas tâche. Ouais. Mais voilà, un grand film, une très belle adaptation, un très très beau film. Un Cronenberg souvent oublié, mine de rien, hein, parce qu'après il a tellement fait de grands films dans sa filmo, pour beaucoup il colle pas vraiment à l'ambiance Cronenberg, mais pourtant putain, mais quel film! Ouais, c'est ça. En fait, je pense que personne l'aurait considéré comme déplacé dans la filmo de Cronenberg s'il était venu à partir de ses années 2000, à partir du moment où il a commencé à faire des History of Violence, Spider et compagnie. C'est ça, Mais à l'époque, c'est vrai qu'il est coincé entre Vidéodrome et La Mouche, qui sont beaucoup plus rentre-dedans au niveau de la violence. Donc c'est peut-être ça qui a surpris, ouais. Vidéodrome, La Mouche, c'est des références en termes de cinéma gore. Hein. Ouais, voilà, c'est ça. Et qui encore aujourd'hui ne vieillissent pas. Ouais. C'est incroyable. Et encore aujourd'hui, ils sont dégueulasses, hein. Et voilà. En plus. Mais la Mouche, c'est comme The Thing, quoi. C'est des films qui, visuellement, c'est pas du numérique, Voilà, c'est de la plastique, c'est du plastoc, c'est des prothèses, bah ça vieillit pas. Ouais, c'est ça. Voilà. Avant de passer à la suite, nous pouvons préciser qu'il existe aussi une série télévisée adaptée de Dead Zone, une série télévisée en 6 saisons et 80 épisodes, diffusée entre 2003 et 2007 sur USA Network. La création de la série, c'est Michael Piller et Sean Piller, avec Anthony Michael Hall dans le rôle principal. Donc évidemment, ça change pas mal d'éléments pour pouvoir coller, pour pouvoir permettre une série, tout bêtement, parce que l'intrigue du livre est quand même très très fermée. Forcément, 80 épisodes, ça sous-entendra une intrigue étirée sur la longueur. En fait, ça fait un peu une Carrie, c'est-à-dire ça conserve le principe, ce qui était prévu pour Carrie, série télé dont on a parlé la dernière fois, c'est-à-dire que ça conserve le principe de base et les bases de l'intrigue, mais ça s'éloigne très vite avec un personnage qui va résoudre des enquêtes grâce à son pouvoir. Un personnage qui devient un médium et qui du coup aide la police, tout simplement. Ouais, c'est au format procédural, donc les épisodes sont quasiment tous indépendants les uns des autres, de ce que j'en ai vu. C'est ça. Alors moi j'ai pas tout vu, j'ai principalement vu la saison 1, et à mon avis, il y a peut-être des fils rouges dans les autres saisons, ou alors des fins de saison qui forment un fil rouge pour relier à la saison suivante avec un cliffhanger. Ouais. Globalement, pareil, j'ai pas tout vu, mais ce que j'en ai vu est plutôt sympathique. Soyons honnêtes, il y a peu de chances qu'on en parle ici, parce que 6 saisons, 80 épisodes, ça fait quand même un peu lourd. Donc voilà, jetez-y un œil si vous voulez, c'est une curiosité sympathique. Mais donc voilà, je pense qu'on va pouvoir passer à un petit comparatif de scènes. Et ben c'est parti! Hello everyone, we're David Cronenberg's wife. Très bien, donc pour le comparatif de scène, nous avons choisi une des premières visions de Johnny, qu'il a à l'hôpital peu de temps après être sorti du coma. Je lis l'édition Livre de Poche, traduction de Richard Matas, et nous sommes à la page 172. Johnny, qui pouvait à peine il y avait peu tenir un verre d'eau, parvenait à présent à remonter seul les longs couloirs du centre hospitalier. Hélène, qui était célibataire, demeurait dans une immense maison en compagnie de ses chats. Les chats, sa maison, son travail, voilà tout ce qui comptait pour elle. « Je n'en peux plus, » fit-il en se laissant rouler sur les flancs. « Debout » cria-t-elle avec un enjouement presque sadique. « On remet ça. Encore deux pompes et vous aurez le droit à un coca. » Johnny exécuta sa 8e traction en gémissant, la 9e suivit. « Bravo, encore une !» Il la réussit et se laissa définitivement retomber. « Vous êtes contente ? » souffla-t-il. « Je suis mort. »« Petite nature !» vociféra l'infirmière. « Attendez de voir la suite du programme. »« La prochaine fois, je me contenterai de faire la planche dans la piscine. » Il tenait la main de la femme. Il la regardait et lentement une expression effarée se fit jour sur son visage. « Johnny ! Que se passe-t-il ? Johnny ! » Il lui tenait toujours la main, la regardait fixement comme en proie à une hallucination. Elle commença à avoir peur. Elle avait entendu les étranges rumeurs le concernant. Elle n'y avait attaché jusqu'à aujourd'hui aucune importance. « Johnny, ça va ?»« Vous feriez bien... Il est encore temps. »« De quoi parlez-vous ?» Il se ressaisit, relâcha la main de la petite femme. « Appelez les pompiers, dit-il. Vous avez laissé le gaz allumé, vos rideaux ont pris feu. »« Quoi ? Les rideaux, ils se sont enflammés, reprit-il avec impatience. « Dépêchez-vous, vous voulez que toute votre maison brûle ?» « Mais Johnny, comment pouvez-vous le savoir ? Ne vous occupez pas de ça, bon Dieu !» Il se leva, la prit par le bras et parvint même à la bousculer en direction de la sortie tout en boitant. Ils remontèrent un couloir et se retrouvèrent dans la salle de repos des infirmières. Deux d'entre elles y buvaient un café, tandis qu'une troisième passait un coup de téléphone afin d'expliquer comment elle venait de décorer son appartement. « Téléphonez, ou bien dois-je le faire moi-même ? » fit Johnny à la petite femme. Elle était hébétée, restée sans voix. Tout cela était tellement fou, bousculait si fort son train-train. Avait-elle réellement oublié de fermer le gaz en partant de chez elle ce matin ? Johnny, vraiment, je ne sais pas si je dois vous écouter. Vous êtes sûr de vous ? Où allez-vous chercher des idées pareilles ? Ça va, j'ai compris, laissez-moi faire. Excusez-moi, ajouta-t-il à l'adresse de l'heureuse bénéficiaire d'un nouvel intérieur. Il y a un autre appareil, commença-t-elle ? Merci, lui dit-il en lui arrachant le combiné des mains. Qu'est-ce qui vous prend ? Johnny avait coupé la communication et appelé la préposée du standard de l'hôpital. Il dut repousser l'infirmière privée de la fin de sa communication. Joue enflammée, regard furieux, toute griffe dehors, elle cherchait par tous les moyens à reprendre son bien. Les deux autres filles présentes s'étaient dressées, prêtes à aider Manu Militari, leur collègue spoilé. « C'est un fou !» fit l'une d'elles. Hélène, au comble de la gêne, haussa les épaules. « Je ne sais pas, dit-elle, il... » Johnny, pendant ce temps, avait obtenu la communication avec le standard. « Passez-moi les pompiers, donnez-moi le numéro de leur caserne à Holton. » « Qu'est-ce qui se passe, il y a le feu quelque part ?» fit une des infirmières. Hélène dansa maladroitement d'un pied sur l'autre. « C'est ma maison qui brûle, » fit-elle. « Ah, c'est ce type qui... » fit l'infirmière qui avait frôlé la crise d'hystérie. Johnny était en ligne avec les pompiers. « Je m'appelle John Smith, je voudrais vous signaler un début d'incendie à... » Il se tourna vers Hélène. « Votre adresse ?» lui glissa-t-il à voix basse. Un dixième de seconde, il crut qu'elle n'allait pas la lui donner. Elle restait stupide, bouche ouverte, le regard vide. Les autres filles s'étaient rassemblées dans un coin de la salle de repos et chuchotaient entre elles avec des mines de conspiratrices. « Alors, ça vient ?»« 624, Center Street, » bafouilla Hélène. Johnny communiqua l'adresse aux pompiers. « Votre nom, monsieur ?» demanda la voix à l'autre bout de la ligne. « John Smith, je vous téléphone depuis l'hôpital de Bangor. »« Puis-je vous demander d'où vous tenez cette information ?»« J'en aurai pour la journée, mon tuyau est bon, à vous d'agir maintenant. » Il raccrocha et sentit tous les regards de l'assistance posés sur lui. « Hélène » demanda-t-il. « Oui, » répondit-elle. « Avez-vous des amis pour voisins ?»« Oui, Bert et Janice, ils habitent juste à côté. » « L'un d'eux se trouve-t-il habituellement chez lui à cette heure ?»« Oui, Janice, certainement, mais pourquoi ?»« Vous devriez lui téléphoner. » Elle acquiesça, comprenant qu'il voulait vérifier. Elle composa le numéro de sa voisine sous l'attention avide des autres infirmières. « Allô, Jan, c'est Hélène. Tu es sans doute dans ta cuisine. Tu pourrais jeter un coup d'œil par la fenêtre et me dire si tout est en ordre chez moi. Figure-toi qu'un de mes amis prétend que... Bon, je t'expliquerai dès que tu auras jeté ton coup d'œil. » Elle était rouge comme une pivoine. « Oui, j'attends, » ajouta-t-elle en surveillant Johnny. L'attente leur parut interminable. Puis l'attention d'Hélène fut à nouveau attirée par sa correspondante. Elle l'écoutait avec gravité sans dire quoi que ce soit, si ce n'est à la fin. « Oui, oui, ils ont été prévenus, ne t'en fais pas. Ils ne vont plus tarder. » « Non, je n'ai pas le temps de t'expliquer maintenant. Ce soir, promis. Du moins, j'essaierai. Merci, au revoir. » Elle mit fin à la communication et tourna lentement son regard vers Johnny, comme désespérée. Elle a vu de la fumée s'échapper par la fenêtre de la cuisine. Et maintenant, la même scène dans le film. Aimé. Mais Aimé, c'est le nom de ma fille. Je l'entends hurler de peur. Il y a le feu dans la maison. Votre fille est dans la maison. Il n'est pas trop tard. Aimé. Aimé, Aimé. Votre fille hurle de peur. Votre maison brûle. Faites vite. Dépêchez-vous! Très bien, donc la principale différence entre les deux scènes, entre le livre et le film, c'est que dans le livre, la maison de l'infirmière est en train de brûler, mais tout ce qu'elle risque, c'est de perdre ses affaires. Tandis que dans le film, ils ont ajouté une petite fille, la petite fille de l'infirmière, qui est toute seule chez elle d'ailleurs, pour des raisons un peu mystérieuses. Oui. Parce qu'elle a l'air d'avoir 5-6 ans, la gamine. Oui, c'est pas très... Hein, c'est pas très parent regardant sur la sécurité. Et effectivement, en film, dans la mesure où on voit beaucoup plus la vision que dans le livre, où elle nous est juste racontée très rapidement et où on se concentre plutôt du côté de Johnny avec les infirmières, c'est assez cohérent qu'ils aient rajouté ça pour mettre un peu plus d'intensité. Oui, un peu plus de tension et de crainte quant à l'incendie qui est en train de se produire. Parce que finalement, en fait, le doute n'est pas le même entre le livre et le film. Dans le film, on se demande s'ils vont réussir à arriver à temps, si Johnny va réussir à convaincre tout le monde à temps pour sauver la petite. Tandis que dans le livre, Au final, on peut encore avoir des doutes sur est-ce que la vision marche à ce stade-là, est-ce que c'est une vraie vision, vu qu'on est beaucoup du côté des infirmières qui ont des doutes. Mmh. Et toute la presse va s'intéresser suite à ça à lui, et entre ceux qui vont le qualifier de nouveau messie et ceux qui vont le qualifier de charlatan, mmh. c'est ce qui va déjà le mettre sur la place publique très brutalement, alors qu'il n'est pas du tout prêt à ça. Et c'est ce qui va aussi causer la mort de sa mère après coup, qui va pas supporter de voir qu'on parle de plus en plus mal de son fils. Mmh. Donc c'est une scène, évidemment, où lui, en fait, se sent totalement égaré, alors que finalement, c'est encore un truc assez réduit au niveau de l'échelle. Mais dès cet instant-là, je trouve qu'on comprend, et ça, autant dans le livre que dans le film, qu'il a un pouvoir beaucoup trop énorme pour lui. C'est ça, oui. Et après, le défi du roman, ça va devenir, est-ce qu'il va réussir à maîtriser, à apprivoiser ce pouvoir ou pas ? Et bon, bah, la réponse, c'est qu'il va pas y arriver. Le pouvoir va toujours le dépasser. C'est ça. Et puis, donc c'est une scène... très très bien dans le roman, parce que ça implique tout ce qu'on vient d'évoquer. Et puis bah, dans le film, en termes de réalisation, bah, là c'est le top, quoi. Parce qu'on a un montage en parallèle de lui qui réagit au toucher de l'infirmière. C'est bizarre comme phrase. on a lui qui réagit avec la vision qu'il a, et on a le déroulement de la vision en montage parallèle, du coup. Oui. Et vraiment, bah, ça fout des frissons. Parce que Cronenberg filme ça comme à son habitude, hein, en mode brutal. On est vraiment plongé dans l'incendie. Incendie qui se met à détruire la chambre de la gamine, qui fait fondre les peluches, les meubles, qui fait bouillonner de chaleur l'eau de l'aquarium. Ouais, ça c'est vraiment chouette. C'est vraiment, c'est une vision apocalyptique, quoi. Et c'est pour ça que la scène vraiment est tout aussi bonne dans le film, parce qu'on a l'aspect visuel en plus, qu'on n'a pas forcément dans le roman, parce que dans le roman c'est vraiment des flashs qui sont comme ça, il n'y a pas deux scènes séparées en fait. C'est vraiment en cours de dialogue avec l'infirmière qui se demande ce qui se passe, il y a Johnny qui dit en fait ce qu'il voit. Oui. Avec des petits descriptifs, des visions, mais pas plus que ça. Mais t'es beaucoup plus plongé dedans dans le film, effectivement, voilà. À ce niveau-là. C'est comme plus tard, alors les deux scènes sont inversées, normalement dans le film il a la vision qui concerne le médecin, comme quoi sa mère est encore vivante. Mm-hmm. Du coup les deux sont inversées dans le roman et dans le film. Mais c'est pareil, on est vraiment... à Varsovie, parce que je crois que ça se passe à Varsovie, il me semble, pendant la Seconde Guerre mondiale. Et du coup, on est vraiment plongé sur le champ de bataille, avec les tanks, les soldats de partout. Bon, clairement, c'est la scène qui a dû coûter le plus de pognon sur l'ensemble du film, parce que ça pète de partout. Mais voilà, on est vraiment plongé en pleine Seconde Guerre mondiale, alors que c'est des petits détails par-ci par-là dans le roman. Et puis, pour le coup, la vision, en plus de l'incendie, comme ce sera plus tard la vision du meurtre de la dernière victime de Frank Dodd, Johnny apparaît dans la vision. Et donc t'as encore plus l'impression qu'il est là, mais qu'il a pas du tout envie d'être là, il voudrait être partout, sauf ici. Et finalement, il peut sauver des vies, son pouvoir est une forme de bénédiction à ce niveau-là, mais en même temps, ça le tue, ça lui fait peur, et ça l'embarque dans des situations totalement délirantes. En fait, son pouvoir lui fait plus de mal, plus clairement du mal, dans le film que dans le roman, j'ai l'impression. Oui. Donc voilà, encore une fois, on rejoint les thèmes de Cronenberg... De ce truc-là. Du pouvoir intérieur. Là, en fait, dans le roman, on peut avoir le doute de est-ce que le pouvoir est positif ou pas. Je trouve que dans le film, dès le début, il est très négatif, finalement. Bah, et puis, dans le roman, t'as le doute de est-ce que c'est le pouvoir qui le tue ou est-ce que c'est sa supposée tumeur. Ouais. Voilà. Alors que vu que la tumeur n'est pas présente dans le film, t'as plus de doute. Oui, c'est même dit assez clairement. Son médecin lui dit plus vous aurez de vision, plus elles seront précises, mais plus elles vous tueront aussi. Voilà. Et à un moment, d'ailleurs, il lui dit au médecin dans le film, quand le médecin lui propose un nouveau traitement et. Dit qu'en fait c'est de pire en pire. Ouais. Parce que les douleurs sont de plus en plus fréquentes, voilà. Donc voilà, une grande réussite et un bon exemple de comment Cronenberg s'approprie assez subtilement le travail de King. Clairement. J'ajouterais simplement une petite curiosité dont on s'est rendu compte en préparant cet épisode. Les traductions françaises sont très différentes du texte original anglais, c'est-à-dire qu'il manque sur ce chapitre qu'on a comparé, donc c'est la quatrième section du chapitre 10 pour ceux qui veulent vérifier, il y a facilement un tiers du texte qui saute d'une version à l'autre. Donc c'est plein de petits détails, plein de petits ajouts sur les pensées des personnages, des répliques, et j'imagine que si c'est dans ce chapitre-là, ça y est aussi ailleurs dans le livre. Et d'après ce que j'ai appris, notamment en communiquant avec le Club Stephen King, qu'on salue du coup, c'est que ce n'est pas le seul ouvrage de King pour lequel c'est le cas. Il y aurait visiblement le même genre de situation dans ça, et des chapitres entiers qui sautent dans Shining. Et ça a jamais été retraduit depuis, j'imagine que c'était fait principalement pour une question d'espace, parce que je pense pas que ça fasse gagner beaucoup de temps au traducteur de sélectionner ce qu'il doit couper plutôt que de le traduire. Oui, et puis je pense pas non plus qu'il y ait matière à censurer du Stephen King. Ouais, voilà, franchement, ce que j'ai vu qui avait sauté, y a rien qui est choquant, hein, donc c'est clairement pas de la censure. C'est très étrange, en tout cas. Ouais, je pense vraiment que c'est une histoire de coût des bouquins à l'époque, qu'ils voulaient pas dépasser un certain nombre de pages, et comme la traduction française, c'est toujours un peu plus long qu'un texte original en anglais, ils ont fait ça, mais c'est un peu étonnant que ça ait pas été retraduit depuis. Mm. Même si, d'un point de vue d'éditeur, King, ça se vend dans tous les cas, donc... On peut se demander effectivement à quoi bon ils iraient perdre de l'argent à retraduire, mais le respect c'est bien aussi. Oui, voilà, c'est ça. On verra si Livre de Poche répond. Ouais, alors apparemment ce serait sur des anciennes traductions que le Livre de Poche a repris, mais qui ne seraient pas d'eux à la base. Donc c'est pas eux les responsables directs, mais ce serait tout de même bien qu'ils se penchent sur le problème. Peut-être que si Shining ressort, parce qu'en ce moment le Livre de Poche ressort certains King en nouveau format poche. Peut-être qu'une nouvelle traduction serait en cours. De ce que j'en sais, c'est pas prévu pour Shining. Il y a visiblement un universitaire qui milite depuis un moment pour que justement ce soit ressorti dans une nouvelle traduction, mais j'ai pas connaissance, et le Club Stephen King n'a pas connaissance qu'il y ait des suites qui aient été données à ça. Affaire à suivre, donc. Voilà. On passe à la notation ? On peut passer à la notation. Comme d'habitude, je m'occupe du classement roman, enfin écrit, et Issam s'occupe du classement film. Niveau écrit, nous en sommes à 17 œuvres. Dead Zone va être la 18e qu'on va aborder. Les trois premiers sont Cimetière, La Part des Ténèbres, Cujo. Oui. Et le peloton de queue. 15e, Poids Lourd. 16e, Le Dentier Claqueur. Et 17e, L'Armée. L'année. Excusez-moi, du loup-garou et non pas l'armée des morts ou l'armée des morts loup-garou. L'armée du loup-garou, je veux bien voir, moi. Oh, je pense que ça a déjà été fait dans le cinéma bis, il faudrait se renseigner sur ça. Dead Zone. Déjà, Dead Zone, pour moi, c'est clairement du top 5. Oui. À mon avis. Alors, j'hésite. J'hésite entre... Alors j'hésite entre 4e à la place de Crapule de bas étage en manteau jaune, c'est-à-dire Cœur perdu en Atlantide. Ouais. Ou Cujo. Donc 3e ou 4e place. 3e ou 4e, j'hésite. D'accord. Parce que Crapule de bas étage m'a quand même procuré énormément d'émotions. Ouais. Mais m'a moins accroché en termes d'intrigue. Parce que plus dans mes goûts, en fait, Dead Zone, tout simplement. C'est pour ça, c'est plus son naturel, plus thriller. C'est quelque chose qui me marque plus, moi, personnellement. Moi, pour dire un peu ma position, j'aurais même été encore plus enthousiaste que toi. Pour moi, il aurait pris la 2e place. C'est-à-dire juste Dead Zone. Derrière Cimetière et avant La Part des Ténèbres. Ah, carrément. Parce que je préfère Dead Zone à La Part des Ténèbres. L'histoire me touche encore plus, et je trouve qu'il est mieux construit au final, même si La Part des Ténèbres est très bien fait. Hein, mais... Après, c'est vrai que tous ceux en dessous de Cimetière souffrent du manque de développement de personnages, et d'intrigues et de sous-intrigues imbriquées dans une grande histoire. Mm. Après, 3e place, ça me semble pas déconnant non plus. Ouais, après, coupons la poire en deux et mettons-la en 3e place entre Cujo et La Part des Ténèbres. Ouais, c'est ça. Donc 3e place, derrière La Part des Ténèbres, devant Cujo. Et pour les films, nous avons en première place Carrie de Brian De Palma, suivi de Chambre 1408 de Michael Avstrom et de Cujo de Lewis Stig. Et aux trois dernières places, nous avons Les Démons du Maïs de Donald Pebershers, Jesse de Mike Flanagan et Le Fléau de Mick Garris. Et bah dans les deux cas, en fait, on va hésiter aussi, je pense, pour le film, ça va être dans les premières places. Ah oui, clairement, le film aussi, c'est du top 5. Et pour moi, là aussi, la question qui va se poser, pour moi, pas devant Carrie. Non, il mais... prend pas la première place, mais... Est-ce que c'est devant ou derrière Chambre 1408 ? Et là, c'est compliqué. C'est compliqué, parce que Chambre 1408, c'est un film qu'on adore également. Ouais. Faut toujours se poser la question, est-ce que tu préférerais revoir Chambre 1408 ou est-ce que tu préférerais revoir Dead Zone ? Alors, en sachant que Dead Zone, soyons clairs, c'est déjà au moins la 10e fois qu'on doit le voir chacun, je pense. Oui, oui, voilà. Ça fait beaucoup de fois. Et le truc, c'est que là, j'aurais du mal à répondre, hein, parce que les deux, j'adorerais les voir, ouais. Et les deux pour des raisons similaires, en fait. C'est ça. Aïe, aïe. C'est compliqué. Après, je pense que ce qu'on peut mettre en avant sur Chambre 1408, c'est que ce que réussit Chambre 1408, c'est de faire, avec un matériel très léger, quelque chose qui arrive du coup à sortir de ce matériel et à en faire un très bon film. Ouais. Alors que Dead Zone est très fidèle au roman, au final. Oui, en s'appropriant complètement... enfin, Cronenberg s'approprie quand même le travail, donc on pourrait aussi célébrer le travail d'auteur, entre guillemets. Oui, mais je vois ce que tu veux dire. Voilà. Il y a peut-être une prouesse un peu plus conséquente dans Chambre 1408. C'est ça, parce que pareil, l'appropriation est aussi très visible sur le film de Michael Avstrom. Ouais, ok. Après, on est moins, je suis d'accord, sur un travail d'auteur. Oui. Clairement, Chambre 1408... Alors c'est très bien, c'est bien réalisé, c'est super propre. Ça fait un petit peu film de studio, contrairement à du Dead Zone, par exemple. Oui. Mais c'est quand même un film de studio très bien torché, quoi. Ouais. Et ouais, il y a quand même ce côté, on s'émancipe un petit peu de la nouvelle, on reprend au final que la chambre en elle-même, et on développe autour. Et pour cet aspect-là, c'est très intéressant. Ouais, d'accord, on va dire pour la prouesse, on va le mettre, on va laisser Chambre 1408 à la deuxième place et Dead Zone en troisième, mais vraiment là on est sur de la micro-différence entre les deux. C'est ça, c'est vraiment. C'est parce qu'il fallait trouver quelque chose pour choisir l'un des deux, quoi. D'accord, bon, Dead Zone, nouvelle troisième place, et donc Cujo sort du top 3 et La Part des Ténèbres sort du top 5. Et là on a un top 5 parfait, quoi. Ouais, effectivement, là, on a 5 trucs très solides. Mm. Très bien, donc c'est fini pour Dead Zone. Et nous nous retrouverons dans 2 semaines pour Grand Chauffeur et pour son adaptation Détour Mortel. Donc rien à voir avec la saga de films d'horreur, encore une fois. Big Driver en VO, du coup. Voilà, c'est ça, pour le film comme pour le téléfilm, ils sont plus cohérents. Une nouvelle du recueil Nuit Noire, Étoile Morte. C'est ça. Vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux, sur Twitter, @augrédesbulles pour Christopher et @cinémarchiviste pour moi. C'est ça, également sur YouTube pour toi, sur la chaîne L'Archiviste du Cinéma. Ouais. Nous animons d'autres podcasts avec Necronomicor, La Guerre des Claps consacrée au cinéma en général et Casse sur Table consacrée aux nouveautés comics, manga, BD. Et en attendant, on vous dit à bientôt et n'oubliez pas que le vidéoclub de Castle Rock est ouvert 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Salut! Salut! Off, on a changé 4 fois les piles pour faire cet épisode parce qu'on a vendu des piles de merde. Ah, en plus, je pense qu'on est plutôt à 6 fois. Ouais, en plus, c'est vrai, on a gâché 3 paquets de piles complets sur celui-là, ça fait 12 piles. Putain, c'est voilà. On aurait dû tourner 2 épisodes. Quoi. L'enfer sur Terre, ça existe.